Chapitre 11e, l'associé. Le visage de Josette Rosay s'irradia immédiatement. Oh oui, jamais je n'ai vu enfant plus désiré et choyé. Samson en était fou. Il est même allé jusqu'à rebaptiser sa société pour elle et la présenter officiellement à tout le personnel. N'était-ce pas un peu excessif? Sans doute, mais il faut tenir compte du fait que Marie avait fait 3 fausses couches avant d'avoir Marion. Elle en est ressortie très perturbée. Je pense que soudain, toute son enfance lui a sauté au visage et qu'une rage rétrospective s'est emparée d'elle. Je ne l'avais jamais vue ainsi. Elle ne parvenait pas à comprendre comment on pouvait ne serait-ce qu'envisager d'abandonner un petit ange. C'est sans doute pour cela qu'elle se montrait si possessive vis-à-vis de Marion. Elle ne supportait pas de la savoir loin d'elle, et en dehors de moi, elle ne la confiait à personne. Elle avait décidé d'arrêter le mannequinat. Elle ne voulait plus que se consacrer à son mari et à Marion. Rien d'autre n'importait. Elle désirait devenir une parfaite femme d'intérieur, ce qui était plutôt amusant, car malgré des efforts louables, elle demeurait une piètre cuisinière. Pourtant, je puis vous affirmer qu'elle était très sérieuse. Elle avait tant d'amour pour Samson. Il lui avait donné l'essentiel, un nom et une raison de vivre. Pour Marie, c'était largement suffisant. Elle s'estimait comblée. 2 années merveilleuses se sont écoulées avant que tout ce bonheur ne s'écrase sur ce maudit pilier. Si ce n'est pas trop pénible, peut-être pourriez-vous évoquer pour moi les circonstances. Je vous avoue, monsieur le commissaire, que malgré les années, c'est toujours aussi atroce. Quelle soirée maudite! Me croiriez-vous si je vous disais que j'avais un sombre pressentiment? Bien sûr que non, et pourtant je peux vous jurer que c'était le cas. Dès que Marie m'a dit que Mousseron organisait une soirée chez lui à la campagne, je n'ai plus été tranquille. Ce n'était pas le fait de garder Marion, celle-ci était un véritable petit ange, mais je n'aimais pas savoir Marie au contact de ce type. Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré au mariage. Vous savez, commissaire, mon métier m'a appris à savoir très exactement à qui j'avais affaire. Avec Mousseron, un regard m'a suffi pour comprendre ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire un sale arriviste, qui exploitait sans vergogne la réussite de Samson. Mousseron? Jean-Jacques Mousseron. C'était l'associé de Samson. Si j'osais, je dirais que c'était un choix plutôt malheureux. C'était vraiment quelqu'un de détestable. Tout était factice chez lui, à commencer par son sourire, qui manquait cruellement de chaleur. Je le reconnais volontiers, je l'ai pris en grippe dès le départ. Je n'aimais pas cette façon qu'il avait de constamment conter des anecdotes sur Samson. De prime abord, elle pouvait paraître anodine, mais mise bout à bout et distillée avec une bonne dose de venin, elle n'était pas si flatteuse pour Samson. Il s'amusait à le faire passer pour un imbécile chanceux, c'était vraiment malsain. Pourquoi n'étiez-vous pas plus confiante? J'ai cru comprendre qu'il était tout de même très important pour Samson Chardy. Je ne le nie pas. Samson considérait Mousseron comme un ami. La chose en soi n'avait rien d'extraordinaire. Ils travaillaient ensemble depuis des années. Pour ce que j'en ai compris, Samson s'occupait de développer des composants, tandis que Mousseron se chargeait de les commercialiser. De ce côté-là, il n'y avait pas de loup, les rôles étaient parfaitement définis. La société affichait de confortables bénéfices, dont chacun recevait une jolie part. Pourtant, quelque chose vous a tout de suite gêné. C'est que je n'aurais jamais accordé une confiance aveugle à Mousseron comme le faisait Samson, car je sentais que tout cela ne durerait qu'un temps. Mousseron, contrairement à Samson, avait les dents très longues. Dès les années 80, il rêvait d'imposer la société au niveau mondial, alors que Samson voulait avant tout privilégier le marché national. Pardonnez-moi, Madame Rosay, mais je vous trouve bien au fait des affaires de Samson Chardy. Sachez, monsieur le commissaire, que je n'ai aucun mérite. Si je suis aussi bien informé, c'est simplement le fruit d'une pure coïncidence. En effet, le jour du mariage, le hasard voulut que je sois placé à table juste à côté de Mousseron. Celui-ci avait bu pas mal, ce qui m'a permis d'entrevoir sa véritable personnalité. L'alcool peut avoir cette vertu. Je n'ai jamais connu l'identité de son interlocuteur, mais cela n'avait aucune importance. Il n'avait pas l'air de l'apprécier plus que moi, mais il parvenait à le cuisiner très habilement. J'ai appris énormément de choses lors de ce repas, ce qui a quelque peu terni l'image que j'en ai conservée. Quand je suis reparti, je n'ai pu me défaire d'une sensation de danger imminent. Je vous le dis franchement, monsieur le commissaire, je me suis mise à avoir très peur pour Samson et Marie. C'est pour cela que, quand celle-ci a évoqué l'invitation, je n'ai guère montré d'enthousiasme. J'avais d'autant plus d'appréhension que c'était loin, en Bourgogne, dans un village perdu. Mousseron y possédait une maison qu'il était en train de retaper. Le chantier venait de débuter et le téléphone n'avait pas encore été installé. Pour tout dire, je ne trouvais pas cela très prudent. Mais Samson a balayé toutes mes objections d'un revers de la main, comme il avait coutume de le faire. Il m'assurait en permanence que tout allait bien se passer. Il était si confiant. Il avait ça de commun avec Marie. Pourtant, Marion était encore bien jeune, mais il se reposait entièrement sur moi. Pour sa part, Marie a dû beaucoup prendre sur elle pour l'accompagner. Mais elle voulait faire plaisir à Samson. Elle n'aurait pas supporté de le décevoir. Comme à son habitude, elle a gardé ses craintes pour elle. Je le revois encore quand elle est partie. Elle portait une jolie robe courte, sans manches, qui lui essayait à ravir. Elle avait relevé ses cheveux en chignon, ce qui la faisait paraître plus sérieuse. Samson avait fait un effort. Il portait un pantalon en toile à sa taille et un polo bleu. Il était légèrement bronzé, on était en plein été, et avec ses lunettes de soleil, il était presque séduisant. Je me souviens avoir pensé que finalement, il n'était pas si mal assorti. Comme à mon habitude, j'ai longuement serré Marie contre moi, ce qui amusait toujours beaucoup Samson. Celui-ci m'a fait un baiser sur la joue, puis ils sont partis, et mon cœur s'est brisé à jamais. « Qui vous avertit de l'accident ?» demanda doucement du tilleul. « Mousseron ?»« Croyez bien qu'il s'en est bien gardé ?» explosa Josette Roset. « Non, ce sont les gendarmes qui m'ont contacté. Cela a été affreux. Ils ont mis plusieurs heures pour désincarcérer Marie. Le corps était si abîmé qu'ils ont dû plomber le cercueil. Je ne l'ai jamais revu. » Josette Roset se mit à pleurer, puis reprit son récit avec difficulté. Samson ne roulait pas trop vite, mais il semble que les freins n'aient pas répondu correctement. Marie était en première ligne, elle n'avait aucune chance de s'en tirer. Naturellement, j'ai demandé à voir les photos de l'accident. Je voulais tant comprendre. Mais les gendarmes ont refusé de me les montrer. Ils m'ont seulement dit que ce n'était pas beau à voir et que même pour des professionnels aguerris comme eux, c'était une véritable épreuve de les regarder. Vous pensez bien que je n'ai pas eu non plus les détails de l'autopsie. Que s'est-il passé ensuite ? L'expression de Josette Roset se durcit. Mousseron a sauté sur la première occasion pour me retirer Marion. La justice n'a absolument pas tenu compte de mes sentiments, de mon attachement. On a estimé que j'étais trop vieille pour m'en occuper. Bien sûr, on ne me l'a pas dit aussi crûment, mais cela revenait au même. Le fait que je sois la marraine désignée n'est absolument pas entré en ligne de compte. Je dois vous dire, monsieur le commissaire, que j'ai vécu ce retrait comme une trahison, parce que j'ai pensé, un peu naïvement, que mes années de service parleraient pour moi. Il n'en a rien été, non, hélas. La justice s'est montrée d'une froideur implacable, ce fut affreux. Mon mari avait eu beau tenter de me mettre en garde, rien ne m'avait préparé à être rejeté ainsi. Alors, comme Mousseron était le parrain, il a obtenu la garde de Marion, bien entendu, il avait autorité en tout. Cependant, pour des raisons que je n'ai jamais comprises, ou alors que je ne comprends que trop bien, il a fait savoir qu'à la réflexion, il ne pouvait s'occuper de Marion. Le développement, finalement, lui prenait trop de temps. Il a prétexté qu'étant constamment parti, il ne pouvait décemment s'occuper d'une enfant de cet âge. Vous savez, monsieur le commissaire, j'ai toujours essayé de me montrer droite dans mon existence, mais là, sans mentir, je l'aurais étranglé sur place. J'ai toujours su qu'il était un être mauvais, mais là, il me l'a démontré dans les grandes largeurs. Ne m'avouant pas vaincu pour autant, j'ai demandé à nouveau qu'on me confie Marion, mais le juge n'a rien voulu entendre. Un tuteur a été nommé. Heureusement pour Marion, quelqu'un de très bien. Maître Tristan Vérel. J'avais déjà eu l'occasion de le croiser à titre professionnel, et à tout prendre, ce choix m'a paru assez bon. Marion fut mise en nourrice avant d'intégrer un pensionnat en Suisse. Ainsi, vous ne l'avez jamais revue. Josette Roset s'effondra à nouveau. Non. Et c'est bien cela le plus cruel. Jamais je ne pourrai pardonner à Mousseron. Savez-vous comment j'ai appris l'assassinat de Marion ? Comme tout un chacun, en allant au kiosque. Heureusement que Maître Vérel a eu la présence d'esprit de m'appeler peu après. Vous imaginez sans peine combien j'étais dévasté. Mousseron a tout fait pour que je n'aie pas de contact avec Marion. Et on peut dire que sur ce plan, il a parfaitement réussi. Le seul lien qui a perduré est celui qui me lie à CM Process. J'ai constaté au passage que Mousseron n'a pas été très long à reprendre le nom originel de la société fondée par Samson. C'est comme s'il s'était efforcé de gommer le passé. Il a licencié beaucoup de personnel à cette époque, sans que cela affecte son activité, je me dois de le reconnaître. CM Process a continué à se développer, à voler de succès en succès. Je continue à toucher régulièrement ma part, puisque le dernier cadeau que m'a fait Samson a été de m'inclure dans la liste des actionnaires de la société, chose que, bien sûr, je n'ai apprise qu'après sa mort. Un jour, j'ai reçu une grosse enveloppe. D'autres ont suivi, et c'est ainsi que je suis informé annuellement de l'évolution de CM Process. Je ne peux que convenir que Mousseron fait un travail considérable, mais hélas, tout cela est comme lui, froid, sans âme. Tout se résume à des chiffres et des pourcentages. Où est Samson dans tout cela? À présent, les principaux composants sont fabriqués à Taïwan. L'usine de production a été délocalisée dans les années 90 et le personnel a proprement été remercié. Mousseron ne conserve une antenne en France que pour le prestige. Mais il y a belle lurette que la société a perdu son esprit d'origine. Comme mon fils me l'a expliqué un jour, CM Process n'est qu'une gigantesque machine à générer le plus de profits possible. Je ne nie pas que cela fait un joli complément de revenus, mais aucun chèque, si gros soit-il, ne saurait me consoler de la perte de Marie, de Marion et de Samson. Savez-vous pourquoi Marion s'appelait ainsi? Parce que Marie voulait s'unir à Samson jusque dans le prénom de sa fille. Ainsi, celle-ci était le trait d'union de leurs deux âmes, comme elle aimait le dire. Vous pensez vraiment que Mousseron a cherché à vous séparer de Marion? J'en suis persuadé. C'est un fin renard. Il a dû comprendre que je ne l'appréciais pas. Il me l'a retiré, car il craignait que je monte Marion contre lui. Objectivement, dit Dutilleul d'une voix douce, n'avait-il pas un peu raison? Si, bien sûr, reconnut Josette Rosay en rougissant. Avec Mousseron, je perds rapidement toute mesure. Il est certain que si Marion avait grandi à mon contact, elle en serait immanquablement venue à se poser certaines questions. Quelles questions? Entre autres, comment les freins d'une voiture quasi neuve peuvent soudain montrer de telles défaillances? Vous ne soupçonnez tout de même pas Mousseron? Franchement? Avec Mousseron, je m'attends à tout. J'ai toujours pensé que l'enquête avait été beaucoup trop rapide. C'est bien connu que l'été, il y a moins d'effectifs dans les gendarmeries, et je crois qu'à l'époque, personne n'a voulu s'embêter. Un accident, au fond, c'était pratique pour tout le monde. Cerise sur le gâteau, si j'ose m'exprimer ainsi, l'endroit où cela s'est produit était connu pour être particulièrement dangereux. Je suis sûr que Marion, en grandissant, n'aurait pas tardé à partager mes doutes, et cela, Mousseron voulait l'éviter à tout prix. Vous comprenez, monsieur le commissaire, si l'affaire s'était éventée, cela aura pu être très mauvais pour CM Process. On dit les Américains particulièrement chatouilleux sur le chapitre de la morale. Pardonnez-moi, mais pourquoi, dans ce cas, ne pas avoir engagé un détective privé? C'était une destination presque toute trouvée pour les dividendes que vous touchiez. Figurez-vous que j'y ai pensé à de nombreuses reprises, mais mon mari, lui, y était fermement opposé. Il ne voulait rien savoir. Qu'est-ce que cela changerait? Laisse Marie reposer en paix. Tu ne crois pas qu'elle l'a bien gagné? Il m'a fait promettre et j'ai juré, mais cela ne m'a pas libéré pour autant. Je mourrai avec le même doute au fond de mon cœur. Vous savez, madame Rosay, la fatalité, ça existe, dit Dutilleul d'une voix douce. Avec Mousseron dans le périmètre? Je n'y crois pas une seconde. Cet accident l'arrangeait trop. Je suis toujours persuadé aujourd'hui que Mousseron a une part de responsabilité dans ce drame. Je peux jeter un œil sur le rapport d'accident, si vous le désirez. Il reste peut-être une trace quelque part. Vous le feriez, vraiment? Dit Josette Rosay d'une voix pleine d'espoir. Oui, si cela peut vous apporter quelque réconfort. Vous souvenez-vous de l'endroit où il s'est produit? Il me serait difficile de l'oublier. Juste à la sortie du village de Puyvenage-le-Vieux. Ce sont les gendarmes de Gravinchy qui sont intervenus. À présent, pourrais-je voir le trousseau? Je vais le chercher. Dutilleul n'eut pas à l'attendre très longtemps. Il se douta que Josette Rosay devait le regarder de temps à autre, comme s'il tentait toujours de résoudre l'énigme de l'arrivée de Marie. Josette Roset déposa une valise de taille moyenne sur la table, effectivement bien trop grande pour un enfant de 5 ans, et en fit jouer les fermetures. Comme elle l'avait annoncé, les vêtements étaient propres et bien pliés. Elle les sortit avec soin, les uns après les autres. Du Tilleul vit que ses mains tremblaient. Les gestes étaient doux, pleins de délicatesse. Malgré les années écoulées, Du Tilleul pouvait voir qu'il n'avait pas fait beaucoup d'usage. Josette Roset avait raison, ils étaient tous d'excellente qualité. Marie avait dû être bien jolie, habillée de la sorte. Il déplia précautionneusement un gilet en maille et examina la façon dont l'étiquette avait été coupée. On avait procédé avec méthode, afin de ne surtout pas endommager le vêtement. Vu le nombre, l'opération avait dû demander plusieurs heures, ce qui renforçait, hélas, la thèse de l'abandon mûrement réfléchi. En revanche, si les vêtements étaient de bonne qualité, ils étaient également de couleur et de forme banale. Il comprit pourquoi les inspecteurs avaient fait chou blanc. Ils auraient vraiment pu être fabriqués partout. Par acquis de conscience, il inspecta les doublures de la valise ainsi que le fond, comme beaucoup d'autres avant lui. Il ne trouva rien non plus. La valise moutarde, assez vilaine, n'avait pas d'autre secret à livrer. Comme l'avait déjà dit Robert Simon, il n'y a rien à trouver de ce côté-là. « Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé. Oh, il n'y a pas de quoi. Vous savez, je pense souvent à Marie. Elle était un peu comme ma fille. »